EDF Entreprises, aux côtés des entrepreneurs dans toutes les situations. Donc ce mois-ci, j'ai consommé plus de 2 MWh d'électricité. Ah ben non, le mois dernier, on était à 0,8. Donc là, si j'enlève... Non, ou alors il faut que je recalcule dans l'autre sens. Oh la plaie! Heureusement, grâce au contrat flexible, EDF Entreprises vérifie que vous bénéficiez de la puissance et des prix les plus adaptés à votre activité. Contactez gratuitement dès maintenant votre conseiller EDF Entreprises au 3022. Devenons l'énergie qui change tout. Plus d'informations sur edf.fr/entreprise. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Direction la Roumanie dans l'heure qui vient, pour découvrir, ou peut-être redécouvrir, la vie et l'œuvre d'un homme de lettres inclassable, romancier, conteur, j'ai nommé Panait Istrati. Voyageur, et même bien souvent vagabond, errant de l'Europe à la rive sud de la Méditerranée dans les premières années du siècle dernier, Istrati a connu tous les métiers, toutes les conditions, avant de publier ses premiers romans en français qu'il avait appris en autodidacte. Les récits que vous allez entendre sont très largement autobiographiques. Ils ont été diffusés dans l'émission Anthologie étrangère le 27 septembre 1961. RTF France 3 National présente en nouvelle diffusion Anthologie étrangère. Aujourd'hui, Panait Istrati par Georges Ribemont de Seigne, avec Françoise Fechter, Roland Bourdin et Jean-Roger Caussimon. Réalisation Georges Gravier. Panait Istrati. Un nom qui fut aimé dans le monde particulier des lettres et des arts et dans un public amoureux de la liberté. À vrai dire, on savait peu de choses de l'homme. C'est Romain Rolland qui le fit connaître et décida de son succès, révélant l'étrange vie de ce conteur au talent peu ordinaire, à l'esprit plein de ces images qu'on ne rencontre qu'en Orient, jouant avec elles sans jamais se lasser, et si exalté dans le plaisir de ce jeu qu'il trouve en elle une nouvelle raison de le poursuivre et un nouvel aliment à son imagination. On lui a donné le surnom de Gorki Roumain. C'est qu'avant tout, il aime les humbles. Tout ce qu'il imagine est dédié aux pauvres, aux malheureux, à ceux d'en bas et à la liberté. Il est en perpétuelle révolte contre tous les pouvoirs et sait que celui qui séjourne à demeure quelque part paie le loyer de ce séjour d'un peu de sa liberté. Un écrivain ? Oui, puisqu'il a laissé derrière lui livres et nouvelles. Mais on croirait toujours que ce qu'il écrit n'est que le récit de ce qu'il a vu, aimé, haï ou souffert. Il y a du rire et souvent à grands éclats dans ce qu'il raconte. Mais aussi peut-on y deviner quelque chose d'autre, puisqu'un jour il tenta de se donner la mort. Ce qu'on peut deviner n'est point un tourment d'écrivain rongé par la métaphysique, encore que tous les tourments humains aient la même source, et qu'il ne soit pas aisé de s'y reconnaître dans les raisons de vivre ou de mourir. Panait Istrati était avant tout un vagabond possédé par le génie, possédé par la liberté, par la poésie, née sous chacun de ses pas. C'est cela qui rend ses écrits si émouvants, cela qui est insaisissable et qui s'empare du cœur des gens sans qu'ils s'en doutent. Comment se fait-il qu'on l'ait si vite oublié? Panait Istrati cesse d'écrire en 1935. Il était mort et la guerre allait bientôt passer au premier plan de toutes les consciences. Elle balaya un certain nombre de choses qu'il est inutile de décrire. Souvenons-nous plutôt de l'après-guerre, de cette étrange période où chacun se croyait devenu libre tout en se disant engagé. C'était l'ère de l'engagement. Engagement à quoi ? À une idée. Les idées ont la vie courte. La poésie fleurissait, au-delà de nos plus grands poètes, trompant tout le monde, poètes et amateurs de poésie. Et cette fièvre tomba comme toutes les fièvres. Elle fut recouverte par la philosophie du vide, du néant, de l'absurde. Il n'était plus question du vagabond enivré de révolte, de soleil, d'amitié et d'espace. Panait Istrati, conteur errant, ne comprenant peut-être pas ce qui se passait dans le monde, était mort avant la guerre. Il mourut une seconde fois après la guerre, en ce sens qu'on ne parla plus guère de lui. Il avait été un homme de la terre, des chemins de la terre, un homme hors la société, et qui voyait les choses comme on les voit quand on est au dehors de la société. Oublié, comment Panaitistrati ne l'aurait-il pas été? Le peuple entier se hâtait d'oublier l'atroce tyrannie d'un régime aussi stupide qu'autoritaire, d'oublier la faim et les privations de toutes sortes. Les divertissements n'ont pas manqué sous la Quatrième République, mais ils ont peu à peu perdu de leur qualité. L'oubli s'est fait de la façon la plus matérialiste possible, nous devrions plutôt dire la plus basse, afin d'éviter tout équivoque. Il semble à présent qu'on oublie la privation de la liberté jusqu'à oublier l'existence de la liberté elle-même. Aussi bien, personne ne se soucie plus des difficultés que Panaitistrati rencontra lorsqu'il rompit avec ses amis politiques et sur lesquelles il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'insister. Disons simplement qu'il sortira en Roumanie et se réconcilia avec le gouvernement qui lui vint en aide. Si Istrati a été victime de l'oubli et du silence, par suite de la marche du temps et du bruit orageux qui l'accompagne, tandis que la civilisation se transforme dans l'indifférence ou la passion des uns ou des autres, il est certain qu'un jour, des hommes, harassés par la perte quasi totale de la liberté générale, le retrouveront, en feront de nouveau un de leurs frères, envieront le sort de l'écrivain vagabond. Et peut-être, afin de se faire croire à eux-mêmes qu'ils sont de la confrérie, ils chanteront avec lui, oubliant ou lui pardonnant les hésitations de la dernière partie de sa vie. N'ont-ils pas eux-mêmes la conscience lourdement chargée? Il n'est guère facile de parler comme il faut de la vie d'un vagabond. N'est-il pas préférable de donner la parole à quelqu'un qui l'a connu et l'a aidé quelque peu à sortir de son errance? Voici ce qu'écrit Romain Rolland dans la préface à une de ses œuvres. Dans les premiers jours de janvier 1921, une lettre me fut transmise de l'hôpital de Nice. Elle avait été trouvée sur le corps d'un désespéré qui venait de se trancher la gorge. On avait peu d'espoir qu'il survécût à sa blessure. Je lus, et je fus saisi du tumulte du génie. Un vent brûlant sur la plaine. C'était la confession d'un nouveau Gorki des pays balkaniques. On réussit à le sauver, je voulus le connaître. Une correspondance s'engagea, nous devînmes amis. Il se nomme Istrati. Il est né à Braila en 1884 d'un contrebandier grec qu'il n'a point connu et d'une paysanne roumaine, une admirable femme dont la vie de travail sans relâche lui fut vouée. Malgré son affection pour elle, à 12 ans il la quitte, poussé par un démon de vagabondage ou plutôt par le besoin dévorant de connaître et d'aimer. 20 ans de vie errante, d'extraordinaires aventures, de travaux exténuants, de flâneries et de peines, brûlés par le soleil, trempés par la pluie, sans gîte et traqués par les gardes de nuit, affamés, malades, possédés de passion et crevant de misère, il fait tous les métiers, garçon de cabaret, pâtissier, serrurier, chaudronnier, mécanicien, manœuvre, terrassier, déchargeur, domestique, homme sandwich, peintre d'enseigne, peintre en bâtiment, journaliste, photographe. Il se mêle pendant un temps au mouvement révolutionnaire. Il parcourt l'Égypte, la Syrie, Jaffa, Beyrouth, Dama et le Liban, l'Orient, la Grèce, l'Italie, fréquemment sans un sou et se cachant parfois sur un bateau où on le découvre en route et d'où on le jette sur la côte à la première escale. Il est dénué de tout, mais il emmagasine un monde de souvenirs et souvent trompe sa faim en lisant voracement surtout les maîtres russes et les écrivains d'Occident. Il est un conteur né, un conteur d'Orient, qui s'enchante et s'émeut de ses propres récits, et si bien s'y laisse prendre, qu'une fois l'histoire commencée, nul ne sait, ni lui-même, si elle durera une heure ou bien mille et une nuits. Le Danube et ses méandres. Ce génie de conteur est si irrésistible que dans la lettre écrite à la veille du suicide, deux fois il interrompt ses plaintes désespérées pour narrer deux histoires humoristiques de sa vie passée. Pourquoi cette fuite éternelle, ce vagabondage sans fin, puisqu'il s'emportait soi-même dans son bagage? Était-ce ce soi-même qui le désespérait, ou tout à coup la faim plus forte que tout? Peu importe, il a repris goût à la vie grâce à Romain Rolland qui venait à son secours. et cette féerie qu'il avait dans la tête et qu'il était encouragé à mettre au jour, à l'air libre, lui rendait la force d'être un homme. Romain Rolland écrit encore à son sujet. Je l'ai décidé à noter une partie de ses récits. Et il s'est engagé dans une œuvre de longue haleine dont deux volumes sont actuellement écrits. C'est une évocation de sa vie. Et l'œuvre, comme sa vie, pourrait être dédiée à l'amitié. Car elle est, en cet homme, une passion sacrée. Tout le long de sa route, il s'arrête au souvenir des figures rencontrées. Chacune a l'énigme de sa destinée qu'il cherche à pénétrer. Et chaque chapitre du roman forme une nouvelle. Trois ou quatre de ces nouvelles, dans les volumes que je connais, sont dignes des maîtres russes. Il en diffère par le tempérament et la lumière, la décision d'esprit, une gaieté tragique, cette joie du conteur qui délivre l'âme oppressée. On voudra bien se souvenir que l'homme qui a écrit ces pages si alertes a appris seul le français il y a 7 ans en lisant nos classiques. Ces deux livres dont parle Romain Rolland, suivi plus tard d'un troisième, forment les récits d'Adrien Zografi, les titres respectifs étant Kira Kiralina, Oncle Angel et Présentation des Haïdouk. En tête de Kira Kiralina, on peut lire cette page explicative écrite par Istrati lui-même. Je ne suis pas un écrivain de métier, je ne le serai jamais. Le hasard a voulu que je sois pêché à la ligne dans les eaux profondes de l'océan social par le pêcheur d'hommes de Villeneuve. Je suis son œuvre. Pour que je puisse vivre ma seconde vie, j'avais besoin de son estime. Et pour obtenir cette estime chaude, amicale, il me demandait d'écrire. Je n'attends pas de vous des lettres exaltées, m'écrivait-il. J'attends de vous l'œuvre. Réalisez l'œuvre, plus essentielle que vous-même, plus durable que vous, dont vous êtes la gousse. Avec ce fouet sur les reins, et aussi grâce à l'avoine que m'offrait généreusement l'ami Georges Ionesco, je me suis mis à trotter avec élan. Les récits d'Adrien Zografi sont dus à nous trois. Livré à moi seul, je ne suis capable de faire autre chose que de la peinture en bâtiment, de la photo de plein air et autres œuvres communes à la portée de tout le monde. Adrien Zografi n'est, pour le moment, qu'un jeune homme qui aime l'Orient. C'est un autodidacte qui trouve la Sorbonne où il peut. Il vit, il rêve, il désire bien des choses. Plus tard, il osera dire que bien des choses sont mal faites par les hommes et par le Créateur. Je sais qu'il est très dangereux de contredire le Créateur, ainsi que les hommes qui ne font pas de peinture en bâtiment ou de photos Camelot sur la promenade des Anglais, mais vous dites en France qu'on ne peut pas contenter tout le monde et son père. J'espère toutefois qu'on pardonnera cette audace à Adrien, car conservant toute sa liberté, il se permettra une autre audace, celle d'aimer et d'être toujours dans tous les pays l'ami de tous les hommes qui ont du cœur. Il y en a peu, mais Adrien ne pense pas que l'humanité soit si vaste qu'on le croit. On devine que tous les livres d'Istrati sont tirés de sa propre histoire, sa pauvre et belle histoire, faite de l'exercice de tous les métiers, sauf celui d'écrivain. Pour mieux connaître Istrati, il faut connaître Adrien Zografi et aussi tous ceux qui s'agitent dans ses parages. Le premier chapitre de Kira s'intitule Stavro. En voici quelques passages. Adrien ne fit attention à aucun être humain qu'il croisa en chemin. Il aspirait, avide, l'air pur qui se levait du sable fraîchement arrosé, le mélange embaumé du parfum des fleurs, et pensait à ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Il ne comprenait pas notamment l'opposition de sa mère au choix de ses relations, opposition qui venait d'éclater dans une violente discussion entre la mère et son fils unique. Adrien raisonnait. Pour elle, Mihail est un étranger, un vaurien suspect, le domestique du pâtissier Kir Nicolas. Mais quoi? Que suis-je, moi? Un peintre en bâtiment, et en outre, un ancien domestique de ce même pâtissier. Et si demain je vais dans un autre pays, devrais-je nécessairement, par là, Être considéré comme un vaurien ? Irrité, il frappa le sol de sa semelle. Nom d'un tonnerre ! C'est une injustice révoltante pour ce pauvre Mihail. Moi, j'aime cet homme parce qu'il est plus intelligent que moi, plus instruit, et parce qu'il souffre la misère sans se plaindre. Comment ? S'il refuse de crier sur les toits son nom, son pays et le nombre des dents qui lui manquent, il n'est plus qu'un vaurien ? Eh bien oui, je veux, moi, être l'ami de ce vaurien. Et je me sens fort heureux de ça. Adrien continua machinalement sa promenade, en même temps que la critique mentale de tout ce que sa mère lui avait dit, et tout lui parut absurde. Et cette histoire de mariage ? Je n'ai que 18 ans et elle pense déjà à me jeter une sotte sur le dos. Une sotte. Et peut-être aussi une lapine qui m'accablera de sa tendresse et transformera ma chambre en dépotoir. Bon Dieu! On dirait qu'il n'y a rien de plus intelligent à faire sur la terre que de pondre de petits imbéciles, remplir le monde d'esclaves et devenir soi-même le premier esclave de cette vermine. Non, non. J'aime mieux un ami comme Mihail. Fut-il 10 fois suspect? Quant aux reproches que je tire les gens par la langue pour les faire parler, ma foi, je ne sais pas trop pourquoi j'aime tirer les gens par la langue. C'est que peut-être la lumière vient du parler des forts. À preuve, Dieu, qui a dû parler pour que la lumière s'en suivît. Adrien va vers le port sur le Danube, s'arrête et s'attriste à la pensée qu'il ne peut partir sur ses paquebots vers d'autres rivages. Mais derrière lui, une voix l'appelle par son nom. « Adrien !» Il se retourna. Sur un banc qu'il venait de dépasser, un homme restait assis, les jambes croisées, et fumait. Sa myopie et l'obscurité empêchèrent Adrien de le reconnaître. L'homme ne se leva pas, et Adrien s'approchait de lui, un peu contrarié, quand une exclamation de plaisir lui échappa. « Stavro !» Ils se serrèrent les mains, et Adrien prit place à côté de l'autre. Stavro, le marchand forain, plus communément appelé le limonadier à cause de la drogue qu'il revendait dans les foires, était le cousin au second degré de la mère d'Adrien, et une figure très connue autrefois dans les milieux gaillards des faubourgs. Elle est oubliée aujourd'hui, enterrée par les 30 ans écoulés et par la méprise d'un scandale que son tempérament y occasionna à cette époque-là. À l'âge de 20 ans, la vie de Stavro a été gâchée à la suite de son mariage avec une fille riche, jolie et sentimentale. D'où il est sorti une année plus tard couvert de honte, le cœur massacré, le caractère faussé. À présent, il est forain, et au détriment de tous, il aime faire des farces. Stavro était un blagueur pour tout le monde. Et il était en effet. Il voulait l'être. Dans son costume délabré et ramolli, même lorsqu'il était neuf, avec son apparence de villageois citadin, la chemise non repassée, sans faux col, avec son air de maquignon voleur, il se livrait à des parades de langage et de gestes qui amusaient les gens, mais qui l'humiliaient et le déconsidéraient. Cependant, derrière le pitre se trouvait l'homme. Adrien avait commencé par aimer cet homme pour ses farces. Cependant, des choses étranges étaient venues le troubler et le rendre confus. Parfois, en pleine rigolade et bêtise, Stavro, sérieux, se tournait vers Adrien et plongeait dans ses yeux un regard clair, tranquille et supérieur, comme nous faisons dans les bons et naïfs yeux d'un veau. Alors il se sentait diminué par ce forain, fasciné par cet illettré. Cela lui avait paru inexplicable et il s'était mis à l'observer. Mais les occasions étaient rares. Le regard mystérieux et troublant qu'Adrien appelait secrètement l'autre Stavro apparaissait rarement, et rien que pour lui. Toutefois, un jour, c'était 10 mois avant la rencontre dans le jardin, accompagnant le limonadier chez son épicier, un grec vieux et taciturne qui lui fournissait le sucre et les citrons, il vit soudain apparaître l'autre Stavro. Adrien s'accrocha à ses yeux. Rien qu'à eux trois, dans un coin du magasin peu éclairé, Stavro, tous les plis de son visage supprimés, les traits adoucis, les yeux très ouverts, fixes et lumineux, regardait l'épicier à la mine bouffie et renfermée, et disait timidement mais fermement, pendant que l'autre approuvait de la tête, « Kir Margulis, ça va mal. Il ne fait pas chaud et la limonade ne se vend pas. Je mange mes économies et votre sucre, donc c'est compris. Cette fois encore, je ne paie pas, hein ? Ce sera comme les autres fois. Si je meurs, vous perdrez les 10 francs. » Et le marchand, avare, mais se connaissant en homme, accordait le crédit, avec une poignée de main sèche comme sa vie. Dehors, la marchandise sous le bras, Stavro se dépêchait de faire un calembour, de donner une tape à quelques vagues connaissances et de sauter sur une jambe. « Je l'ai roulé, Adrien, je l'ai roulé !» glissait-il à l'oreille du jeune homme. « Mais non, Stavro !» protestait Adrien. « Tu ne l'as pas roulé, tu paieras. »« Oui, Adrien, je le paierai si je ne meurs pas. Et si je meurs, le diable paiera. »« Si tu meurs, ça c'est une autre affaire. Mais tu dis l'avoir roulé. Cela signifierait que tu serais malhonnête. Peut-être que je le suis. »« Non, Stavro, tu veux me tromper, tu n'es pas malhonnête. » Stavro s'arrêta brusquement, poussa son compagnon contre une palissade et reprenant pour un instant son image, crainte et domination, souffla dans le nez d'Adrien. « Oui, je suis malhonnête. Malheureusement, Adrien, je suis très malhonnête. » Et disant cela, il voulut repartir, mais Adrien, saisi d'une sorte de panique, l'empoigna par les revers de son veston et cria d'une voix étouffée « Stavro, reste !» Tu me diras maintenant la vérité. Je vois 2 hommes en toi. Lequel est le vrai, le bon ou le fourbe ? Stavro se débattit. Je ne sais pas. Et s'arrachant brutalement des mains d'Adrien, laisse-moi tranquille ! S'écria-t-il fâché. Puis, un peu plus loin, pensant avoir vexé le jeune homme, il ajouta : Je te le dirai quand tu n'auras plus le nez ourlé de jaune. Depuis, ils ne s'étaient plus revus. Stavro battait les foires entre mars et octobre, pendant l'hiver vendait des châtaignes grillées, Dieu sait tout. À Braila, il ne venait que pour s'approvisionner. Stavro est amené à raconter son enfance, et c'est là la matière d'un extraordinaire chapitre où on fait connaissance de Kira, la très chère Kira Kiralina, la sœur de Stavro qu'il chérit d'un amour très trouble, et de sa mère, une femme très volage mais très belle, que le père et le fils aîné rouaient de coups. Écoutez plutôt. Je pouvais avoir entre 8 et 9 ans. Ma sœur entre 11 et 13. Et si belle que je me tenais toute la journée près d'elle pour la regarder de la tête aux pieds. Elle se parait depuis le matin jusqu'au soir. Et ma mère faisait de même, car elle était aussi belle que sa fille. D'une boîte en ébène, toutes les deux devant leur glace, elles se maquillaient les yeux avec du quino rosse trempé dans l'huile, les sourcils avec un bout de bois de basilic à la pointe carbonisée, tandis que les lèvres et les pommettes, elles les coloraient avec du rouge de kirmis, ainsi que les ongles. Et quand cette longue opération était terminée, elles s'embrassaient, se disaient des mots tendres et se mettaient à faire ma toilette. Puis, tous les trois, nous prenant par les mains, nous dansions à la mode turque ou grecque et nous embrassions. Ainsi, nous formions une famille à part. Le père et son fils aîné étaient charrons à l'autre bout de la ville et ils ne rentraient pas tous les soirs au quartier qu'on appelait la Tchetatsoué. La mère, Stavro et Kiralina s'en félicitaient. Nous n'allions jamais là-bas et je connaissais à peine l'atelier du père qui me faisait peur. Dans la Tchetatsoué, on était chez ma mère. Nous ne fichions rien de tout le jour, on s'amusait. L'hiver, on buvait du thé. L'été, des sirops. Et toute l'année, on mangeait des kadaïfs et des saraliés. On buvait du café, on fumait des narguilés. On se maquillait et on dansait. C'était une belle vie. Oui, c'était une belle vie, sauf les jours où le père ou son fils, ou bien tous les deux, faisaient irruption au milieu de la fête et assommaient la mère, assénaient des coups de poing à Kira et me cassaient leurs bâtons sur la tête, car maintenant je faisais partie de la danse. « Pas sur le visage !» criait-elle. « Au nom du Seigneur et de la Sainte Vierge, ne frappez pas la figure, ne touchez pas les yeux, pardon !» Ah, la figure, les yeux, la beauté de ces deux femmes. Il n'en existait pas une qui eût pu leur tenir tête. Elles avaient les cheveux d'or et longs jusqu'aux jambes, le teint blanc, les sourcils, les cils, noirs comme l'ébène. Car sur l'arbre roumain, du côté de ma mère, trois races s'étaient greffées. Turcs, russes et grecs, selon les occupants qui avaient dominé le pays dans le passé. À l'âge de 10 ans, ma mère mettait au monde son premier né. Mais à l'heure où j'ouvris les yeux, personne n'aurait cru qu'elle était mère de 3 enfants. Et cette femme qui était faite pour être caressée et embrassée était battue jusqu'au sang. Cependant, si mon père ne lui prodiguait pas les caresses, ses amants la dédommageaient bruyamment. Le jeune Stavrou montait la garde en mangeant des gâteaux, tandis que sa mère et Kira exécutaient la danse du mouchoir en tournoyant devant leurs admirateurs. Les hommes étaient jeunes et beaux, toujours des bruns, des noirs. Ils avaient une mise élégante, les moustaches pointues, la barbe très soignée, et les cheveux, lisses ou frisés, exhalaient une forte odeur d'huile d'amande parfumée au musc. C'étaient des Turcs ou des Grecs, et aussi rarement des Roumains, car la nationalité ne jouait aucun rôle, à condition que les amoureux fussent jeunes et beaux, délicats, discrets, et pas trop pressés. Il serait impossible de poursuivre ici le récit de la vie de Stavro, toujours épris de sa sœur Kira. Des malheurs arrivent. Un jour de noces vives et animées avec les beaux messieurs à moustaches pointues, le père et le frère aîné surviennent. La mère est battue sauvagement, le visage martelé à coups de souliers, un œil tiré de son orbite. Elle est jetée dans une cave à demi-morte. Kira, elle-même, est odieusement frappée. Elle parvient à s'enfuir avec son jeune frère, et puis... Et puis tous deux sont victimes des entreprises bienveillantes d'un Turc auquel il se fie. Si bien que Kira est entraînée dans un harem, et que le jeune Dragomir, c'est-à-dire Stavro, tombe aux mains d'un autre personnage qui le pervertit. Tout le reste du récit est consacré aux efforts du garçon pour recouvrer sa liberté, gagner un peu d'argent afin de subsister. Les années passent. Kira est toujours dans son cœur. Mais toujours il se laisse prendre aux bonnes manières et à la pitié apparente qu'on lui témoigne. Toujours il est victime, jusqu'au jour où il rencontre un brave homme qui devient son plus cher ami. Mais sans jamais avoir retrouvé Kira Kiralina, qu'il n'a cessé de rechercher, il voit son ami mourir, et il continue à vivre d'expédient en expédient. Libre, peut-être, qui sait. Presque toutes les histoires contées par Istrati sont à la fois tirées du fond de son cœur et du fond de sa mémoire. C'est pourquoi elles sont aussi des histoires d'enfance et d'adolescence, et cela forme un mystérieux mélange de drames avec rire et larmes, de sang, d'amour, de passion, de misère. Des histoires qui traînent par la main tout ce qui touche à la vie et à la mort. Nerantsoula est une de ces histoires, écrite en 1927. Et c'est le nom, ou plutôt le surnom d'une fillette qui va devenir femme et qui est vouée à l'amour suivant les volontés conjuguées du malheur et du bonheur. Nerantsoula, cela signifie « petit bigaradier ». Et dans une chanson grecque revient tout au long du roman cette phrase en refrain « Nerantsoula fundoti », ce qui veut dire « petit bigaradier touffu ». Nerantsoula aime deux gamins du même amour et le leur fait savoir en toute occasion. Les deux rivaux, Marco et Epaminonda, sont liés plus par ce double amour que par la haine qui en résulte. Tout au long du livre, Marco narre lui-même toute l'histoire. Cela forme des tableaux d'une telle vérité que nous sommes aussitôt enchaînés, rongés par la même misère, par la même passion. Voici une scène au début du livre. Marco a été meurtri par une voiture alors qu'il voulait sauver Léo, le petit chien d'une fillette devenue son ami. Dans un chapitre liminaire, Istrati présente lui-même la fillette en question qui sera Nerantsoula. Mère, qui est cette fillette qui porte de l'eau? Une orpheline. Comment s'appelle-t-elle? Je ne sais pas. Personne ne le sait. On lui dit Sakajitsa. Sakajitsa, la porteuse d'eau. Une orpheline. Venue depuis une année, Dieu sait d'où. Qui s'était toujours refusé à dire son nom. et celui de ses parents, que Stan, la vieille propriétaire, avait recueilli et que le monde appelle la porteuse d'eau. Et Istrati ajoute : pauvre monde ! Et toi, pauvre homme du monde, combien je vous plains. Vous rencontrez sur votre route un être humain, aux mâchoires raidies, engourdi par le gel de l'existence, et en guise de lui prouver votre chaleur, votre large humanité, vous lui demandez promptement : dis-nous, inconnu, d'où tu viens, ce que tu penses de notre opinion, et ce que tu comptes faire parmi nous. Et le malheureux, ne pouvant desserrer les mâchoires, pour vous répondre, ou au moins vous crachez au visage, vous regarde. Et pressé comme vous êtes, vous lui tournez le dos. Vous lui collez un nom d'emprunt, comme on attache une casserole trouée à la queue d'un chien, et vous filez à vos affaires. Vous filez, toi, pauvre monde, et toi aussi, pauvre homme du monde. Comme je vous plains. Mais voyons plutôt comment Marco raconte les débuts de ses amours avec la fillette inconnue, alors qu'elle vient le voir, encore meurtrie et alitée. Marco, me dit mon ami, un jour qu'elle était assise sur mon lit, un de ces jours du mois d'août riches en soleil, en moustiques et en poussière fine. Marco, es-tu jaloux ? En disant cela, son visage devint aussi blême qu'au moment où elle se séparait de son chien sauvé par moi. Jaloux ? Fis-je. Pourquoi cette question ? Et pourquoi cette angoisse ? Parce que je t'aime, toi, toi et un autre encore. En entendant cet aveu, ma cervelle se renversa, le lit se mit à tourner, et je faillis écraser Léo. Oui, ajouta-t-elle, je vous aime tous les deux comme un seul, comme j'aime Léo. Voilà tout ce que j'aime, faut pas te fâcher. C'est ainsi. Et elle m'embrassa violemment, mais elle eut mieux fait de m'appliquer un coup de marteau sur le front. Je sentis tout de suite qu'il ne fallait pas pleurnicher, que j'avais affaire à une créature forte et à un rival fort, et que ce n'était qu'en me montrant fort à mon tour, plus fort même, que j'arriverais à combattre et à conserver ma place. Je sentis cela. Le temps m'a donné raison. Raison amère. Qui est ton autre ? Demandai-je, suffoqué. Tu le verras, quand nous irons sauter la fosse, chez les Nérandes sous la Frundotti. Elle partit d'un grand éclat de rire, si beau, si sonore, si étourdissant, que j'oubliais tout mon mal. Et tous les trois, roulant sur le lit, nous rîmes, nous nous mordîmes et aboyâmes, comme trois jeunes bêtes heureuses. Nerensoula explique au garçon ce qu'est la rue grecque et la fameuse fosse. On a éventré la rue dans toute sa longueur pour y poser la canalisation qui amènera l'eau du Danube jusque dans les maisons, dans les chambres. Quelle chose extraordinaire! Mais lui, il est tourmenté. As-tu embrassé l'autre comme tu m'as embrassé moi? Oui, je l'ai embrassé. Mais lui, c'est une chose. Et toi, c'est une autre chose. Faut pas te fâcher. Viens voir. Voir quoi ? Qui ? Épaminonda, l'autre. Il est si brave. Tu l'aimeras aussi. Il fait donc la connaissance d'Épaminonda, un garnement sec et bronzé, sympathique, un peu plus âgé que lui. Tous trois, ils se promènent en chantant le long de la fameuse fosse creusée pour recevoir la conduite. La fille fait la fille, chantant et dansant, sautant d'un bord à l'autre du fossé. Marco et Épaminonda deviennent amis. La fillette sans nom, devenue à jamais Nerensoula, les embrasse, les enflamme tour à tour l'un et l'autre. Des jeux, des défis, des aventures se succèdent. Et toujours, avec une émouvante sincérité, Nerensoula donne aux deux jeunes gens la preuve de son étrange amour. Marco voudrait la fuir. Comment s'y résoudre ? Il ne peut se passer de la petite porteuse d'eau. Un jour, des Tziganes chargés de ramasser les chiens errants pour les emporter à la fourrière passent dans le quartier. Peut-être ont-ils pris Léo. Je m'affole. Je ne sais quelle piste suivre. Mais voici Nerensoula. Elle est seule. Léo ne l'accompagne pas comme je l'espérais. De loin, je la vois venir, plantureuse. Les seaux vides dans une main, le cerceau dans l'autre. Toute contente d'avoir fini son travail. Et soudain, ses yeux s'écarquillent, horrifiés. Elle comprend d'un coup d'œil que les Inger viennent de passer. Elle court vers moi. « Mes chiens sont là !» hurle-t-elle. Léo manque. Plus furieuse qu'une harpie, plus déchaînée que l'orage, les Ransoula se lancent à la poursuite des Inger et ramassent en chemin les cailloux les plus meurtriers, pierres concassées, pointues, tranchantes. Je l'accompagne et bourre mes poches de projectiles. Je sais qu'il n'y a qu'une bonne mitraille qui obligera les Tziganes à lâcher prise. Et bientôt, en effet, le combat s'engage. Pluie de pierres, nous en lançons tous les trois. Mais ce sont les cailloux partis de la main gauche de Neranzula qui atteignent le but et blessent affreusement Tziganes, cochers et agents, les mettent en fuite, la tête ensanglantée. Nous renversons la cage. Tous les chiens se sauvent. Et quand l'agent revient avec du renfort, il ne trouvera personne pour lui dire que nous nous sommes cachés dans l'écurie des Paminonda, Léo dans nos bras. 2 heures plus tard, nous sortions comme des rats. Rue déserte, crépuscule d'orage. Les carreaux des fenêtres sont des flaques d'or. Faiblement suspendues aux branches des arbres, les dernières feuilles de la saison semblent avoir été trempées dans le sang. Le fossé, même sombre comme une interminable tombe, reçoit des faisceaux dorés qui cuivrent ses bords et font deviner les conduites couchées au fond. Neransula le contemple, fasciné, et serre son chien dans ses bras. On devine qu'elle résiste à l'envie de sauter. « Allons, dis-je, allons chez nous. » Et par le petit passage qu'on laisse devant chaque propriété, je traverse. Mais elle ne me suit pas. Elle dépose Léo, embrasse Epaminonda, saute le fossé et m'embrasse. Moi, Neransula Fundoti. Puis retour à Epaminonda, suivi par son chien. Neransula Fundoti. Et de plus en plus rapidement, un baiser poignard pour moi, un autre pour Epaminonda, avec le chien Neransula Fundoti par-dessus le fossé. Amo, amo, Neransimo, tue-moi plutôt, tue-moi, crie mon malheureux rival, blême et immobile devant sa porte. Je n'attends plus que de la voir sauter vers moi pour l'empoigner et la traîner vers la maison, mais juste au moment où elle s'élance, Léo la happe par le bas de la jupe. Un cri bref, et Neransula disparaît au fond. Je m'évanouis immédiatement. La suite de cet accident me revient très embrouillée, car pendant 3 jours, la fièvre et le délire mêlèrent en moi le vrai et la fantasmagorie. Je me rappelle avoir entendu des hurlements de femmes et vu des falots, des ombres qui s'agitaient, puis 2 yeux fermés, un visage rouge, entièrement noyé de sang, une chevelure en pâte, et un morceau de crâne disloqué. C'était cela, notre belle Neransula, qu'une voiture emportait vers le triste hôpital. C'était la fin d'une souffrance et le commencement d'une autre, bien plus terrible, qui dura de longues années. Rico Cillier est devenu marchand d'oranges et de citrons. Marco et Epaminonda ont appris que Neransula a quitté l'hôpital et qu'elle a disparu. Avec leur étalage ambulant, ils peuvent circuler partout, enquêtant les traces de leur Neransula bien-aimée. Ils sont libres, car devenus orphelins tous les deux, rien ne les attache plus que le souvenir poignant de celle qui les a aimés. 5 ans passent, et un jour, dans une troupe de chiens qui poursuivent une chienne, ils croient reconnaître Léo. Est-ce bien lui ? C'est dans une rue où ils n'ont encore jamais pénétré, et qu'on appelle la fosse. Il ne s'y trouve aucune habitation qui ne soit celle d'une prostituée ou d'un souteneur, ou une maison publique plus ou moins sordide ou plus ou moins riche. C'est dans l'une d'elles que se trouvait Neransula. Il la retrouve grâce à Léo. Neransula, belle femme en peignoir et en pantoufles, belle et pure, comme toute vierge d'âme, innocente de regard, comme une enfant, et nullement fardée. Sa riche chevelure, de partout relevée à la hongroise, était toute sa coquetterie. Sans avoir dit encore un mot, nous traversâmes un long couloir, puis une petite salle, pour nous voir invités à prendre place dans une grande chambre, où rien de ce que nous savions ne rappelait l'horreur d'une maison sise sur la fosse. C'était si innocemment naïf, si enfantin, tout ce que nous voyions dans l'ordre et le désordre de cet intérieur, que je me demandais sérieusement si je n'étais pas la proie d'un cauchemar. Le plafond était entièrement couvert de grosses branches d'acacia fleuries, dont le parfum nous étourdissait. Une couche épaisse de ces boutons, fanés, couvrait le sol et les meubles. Le lit, abondamment chargé de parures, était celui d'une grosse poupée. Mais en guise de poupée, c'était Léo qui y trônait, comme un pacha. Il nous fut impossible de desserrer les dents. Nous cherchâmes dans les yeux l'un de l'autre, comme deux idiots, une pensée précise, une sortie, une attitude. Mais voyons, ami, qu'y a-t-il qui vous peine tant ? Tenez, peut-être cela vous dégourdira-t-il un peu. Nous enlaçant par le cou, elle nous donna à chacun un baiser sur la joue. Puis, sur deux divans placés au beau milieu de la chambre, à peu de distance l'un de l'autre, elle se mit à sauter, chantant son inoubliable refrain, comme jadis sur le fossé qui avait failli lui coûter la vie. Ner en dessous la fundote, ner en dessous la fundote. Devant ce violent rappel du passé, un flux d'amères douleurs gonflant en même temps nos poitrines. À Epaminonda et à moi, nos lèvres se mirent à trembler. Des larmes abondantes jaillirent de nos yeux, mais elle ne voyait rien. Grande, belle et bien faite, des petits pieds à la coiffure, elle sautait dans un sens et dans l'autre, nous montrant jusqu'aux genoux ses jambes idéalement sculptées et secouant ses beaux seins de femme bâtis pour faire s'entretuer les hommes. Neransoula raconte bientôt toute sa jeunesse, puis sa vie récente. Si elle s'est enfuie de l'hôpital, c'était pour aider, soutenir un jeune peintre infirme complètement déshérité et pour vivre avec lui comme frère et sœur. Et pour gagner leur vie à tous deux, après quelques aventures, elle était devenue ce qu'ils voyaient. Et tout ce qu'elle racontait entrait dans la passion de Marco et d'Epaminonda comme des traits de fer rouge. Marco raconte encore, en reproduisant les dernières phrases du récit de Neransoula. Maintenant encore, je fais ce qui me plaît et rien de ce qui me dégoûte. On continue à me donner et je donne comme si j'étais à mes premiers élans. Ce sera ainsi jusqu'au jour où j'aurai tout donné et ma vie avec. Dans l'envahissante lueur de l'aube estivale qui commençait à blanchir les carreaux, Epaminonda nous montra une face de spectre. Sa bouche, desséchée, s'était entrouverte. Ses yeux, immobiles comme tout son corps, semblait mort. Les narines s'étaient collées. La barbe et la chevelure, elles-mêmes, si éclatantes d'habitude, avaient quelque chose de ramolli. Neransou la lui sauta au cou et l'embrassa. « Allons, amis, oublions tout cela, voici le jour. Nous dormirons un peu, vous sur les divans, moi dans le lit, avec Léo, mon ami d'enfance, dont vous ne serez pas jaloux. » Puis, comme de juste, ce sera mon tour de vous écouter et le vôtre de me dire vos joies et vos peines. Allons !» Secouée par son ami, Epaminonda, rigide, oscilla comme un mannequin assis sur son séant. Elle n'y fit pas attention, vint me prodiguer les mêmes caresses, puis joyeusement, soulevant jusqu'aux genoux ses jupes, se mit à sauter entre les deux divans et à nous distribuer des baisers à chaque saut. « Neransu la fundoti » Neransou la fundoti. Mais, à la quatrième enjambée, alors qu'elle tournait le dos à Epaminonda et s'élançait vers mon divan, un cri horrible retentit dans toute la maison, et j'eus juste le temps de saisir dans mes bras notre belle Neransou la, poignardée par celui qui était sa destinée, par le pauvre Epaminonda. Thank you. n'est pourtant pas la fin du livre. Celle-ci est peut-être encore plus tragique, mais il nous faut en rester là sur ce sujet. Istrati, l'homme qui n'adhérait à rien et se révoltait contre tous les pouvoirs, quels qu'ils fussent, Istrati, en 1929, fit comme Victor Serge l'expérience du communisme, mais là il se heurta contre une autre société où il découvrit sans doute des pouvoirs. Sa passion ne pouvait s'accorder avec l'organisation soviétique. Nous n'avons pas à le juger. Seul compte pour nous l'amour profond qu'il portait aux hommes et qui se manifeste dans un autre de ses chefs-d'œuvre, Les Chardons du Baragan, qui est consacré à l'existence des paysans de cette contrée misérable de la Roumanie, à la révolte de 1907 et à l'exécution atroce de plusieurs milliers d'entre eux. Je dédie ce livre au peuple de Roumanie, à ses 11 000 assassinés par le gouvernement roumain, aux trois villages, Stenilești, Bailești, Odivoai, rasés à coups de canon. Crime perpétré en mars 1907 et resté impuni. Voici un fragment des Chardons du Baragan. Nous ne sommes pas loin des débuts de la révolte. Avec le premier flocon de neige qui vint se coller sur la vitre, vint aussi le calme de Tudorița. Nous aperçûmes ensemble de l'un et de l'autre une après-midi qu'elle brodait près de la fenêtre et que je démêlais à son intention un tas multicolore de fils de laine. « La neige, la neige !» s'écria-t-elle, battant des mains comme un enfant. « Il nous fallait bien un Saint-Nicolas paré de sa barbe blanche. » Et reprenant son ouvrage, elle chantonna timidement « Qui t'a faite si fine et lancée, Tudorița, naine ?» Depuis mon arrivée dans la maison, c'était la première fois que je l'entendais chanter. S'en rendant compte, elle-même, « Mon Dieu, tout s'oublie dans la vie, » soupira-t-elle. « As-tu entendu, m'attaque ? Je croyais mourir et me voici chantant. « Tant mieux, » dis-je. « Tu dois être contente de savoir que tu es, comme le dit cette chanson, fine et lancée. » Elle me regarda. « Il ne faut pas t'amouracher de moi, m'attaque. » fit-elle, enjouée, un peu railleuse. « Et pourquoi pas ? » m'écriai-je. « Oui, c'est vrai, pourquoi pas ? Simplement parce que tu n'as que 15 ans. Mais un jour, tu feras un beau gars. Alors tu seras bien aimé par les Tudorița. Je voudrais que ce soit par toi. Moi, chérie, ce jour-là, je serai épouse et mère, et tout sera fini pour moi. Tes mioches, toujours sale, une belle-mère toujours acariâtre, me crieront après. Un mari qui ne m'aimera plus dira que je suis une souillon et me battra, peut-être. Pourquoi alors t'empresses-tu de te marier à 20 ans? C'est notre sort, m'attaque. On va vers le mariage comme on va vers la mort, tout en aimant. Il ne faut donc pas envier le sort de Stan. Elle sera battue bientôt, car Thanas ne l'aime point. Tudorița songea un instant, le regard vague. Ce n'est pas la même chose, mon chéri. Stan est une coureuse, une belle garce, qui se moque de Thanas, comme du boyard, comme du mariage, et comme de l'amour même. Elle n'aime que mener sa vie libre et ensorceler les hommes. Elle ne s'embarrassera pas de ses enfants et ne se laissera pas battre. Quant à envier son sort, non, j'aime mieux le mien. Tudorița a gaillardi, la maison fut bouleversée dès le lendemain. Il fallait procéder à l'un des deux grands nettoyages de l'année, celui de Noël, après celui de Pâques. Et tout le monde de se réjouir quand l'affligé de la veille cria, les mains sur les hanches, « Allons, les amis, Père Noël approche, de la chaux, de la glaise, du crottin de cheval, et un peu plus vite que ça !» Bravo, Tudorița, bravo! On la dévora de baisers, on la porta en triomphe. On se battit avec de la neige poudreuse. Petruț cria. Un tisan et un farbon, parle toujours, garçon! Mouvidame deux pièces en entassant les meubles dans une troisième. Au milieu de la tinde, trois brouettes de glaise jaune comme le safran et une brouette de crottin fut reversé avec de l'eau chaude par-dessus, et je fus chargé de piétiner le lout sur le sol des chambres, dont Tudorizza badigeonnait les murs en chantant à tue-tête. Elle s'était affublée de vieux vêtements de sa mère. Complètement enfouie, chevelure et visage, sous une grande basma qui ne laissait voir que ses beaux yeux, et armée d'une brosse à longs manches, elle couvrait murs et plafonds de cette couche de chaux bleuâtre qui fait la joie et la santé du paysan roumain et que connaissent seuls les villages balkaniques. Le badigeonnage fini, ce fut le tour du sol. Le temps de fumer une pipe, il se fit aussi lisse qu'une table sous les mains à droite de Tudorizza qui le nivelait en marchant à reculons. Une semaine durant, nous vécûmes une vie de rescapés, couchant un soir ici, le lendemain là, comme ça se trouvait, et mangeant sur le pouce, dans une atmosphère de salle de bain turque, dont la vapeur, sentant la chaux et la bouse, nous piquait le nez. Enfin, sol, mur et plafond remis à neuf, d'un bout à l'autre de la maison, les meubles regagnèrent leur place habituelle. Des tapis de fête furent étendus à terre. Des couvre-lits et d'énormes essuie-mains, tous de fil et de borangique tissés, sortirent en avalanche des caisses et allèrent tendrement parer qui un lit, qui une fenêtre, qui une glace ou un tableau. Après quoi, Tudorizza nous défendit à tous de mettre les pieds dans les chambres de grand jour. Le même ordre se fit partout dans le village, là où la maison avait une fata mare. Les autres aussi mirent toute leur bonne volonté à honorer le Père Noël, chacun suivant ses moyens. Et quelle tristesse pour ceux, pauvres collés à la terre, qui n'eurent que leur soupir pour fêter la naissance du Seigneur. Mais que ce fût sur de joyeux bien-être ou sur de navrantes tristesses, la neige tomba sans arrêt pendant des jours et des nuits, indifférente au bien, indifférente au mal. Ce fut par un tel temps qu'arriva la nuit de Saint-André, où la jeune paysanne interroge son destin sur la nature de l'époux qu'il lui réserve. L'épreuve est risquée, parfois macabre. Peu avant minuit, elle doit se tenir complètement nue, la chevelure défaite, devant une glace éclairée par deux bougies. Alors, regardant droit au fond de la glace, elle voit passer son destiné. Jeune ou vieux, beau ou laid, citadin ou laboureur. S'il est mort, il passe sous sa forme de squelette, le cercueil au dos. Et alors la jeune fille tombe évanouie. Si le destin se refuse à lui montrer clairement dans la glace, elle doit, vêtue d'une seule chemise, sortir dans la cour et compter, en leur tournant le dos, 9 piquets de la clôture. Le 9e, elle le marque d'un signe et va, le lendemain, l'examiner. Car son futur mari sera pareil à ce piquet. Vert ou vermoulu, lisse ou rugueux, bien droit ou tout tordu. Peu de temps après, la révolte commence, suivie de la répression. Les boyards savent se venger. On n'alla pas par 4 chemins. Il y avait dans la foule quelques femmes porteuses de bouteilles de pétrole. On aspergea le portail. Les flammes l'enveloppèrent. Dans l'attente silencieuse qui suivit, des clameurs retentirent dans le konak. Un mouvement se produisit. Puis 8 argats, fusils en main, surgirent sur la galerie, au-dessus de nos têtes. 2 salves crépitèrent et 2 fois la grêle de Balalou sema la mort et le désespoir parmi nous. Élie, le rouquin, fut tué à mon côté. Costaque et Tudorizza s'en tirèrent avec quelques blessures aux doigts. Yonel et moi, nous ne fûmes pas touchés. Dans la masse, on compta 5 morts et de nombreux blessés. Alors la rage ne connut plus de bornes. Le canac envahi, chacun en fit à sa tête. Et d'abord, on régla leur compte aux argats qui avaient tiré. Tous les 8 furent massacrés. Pour les découvrir, on brisa toutes les portes fermées, on fouilla de la cave au comble. 2 d'entre eux qui s'étaient échappés dans la campagne furent rejoints et percés de coups de fourche en fer. Mais dans cette lutte désespérée, 3 des nôtres laissèrent encore leur vie. On ne fit rien aux autres domestiques. On les laissa fuir dans le monde, suivis peu après par la femme et les 2 fillettes de l'administrateur. Celles-ci partirent en voiture, mêlant leurs larmes à celle des paysannes qui pleuraient leur mort. Puis la ferme fut mise à sac et dévastée. Pendant que dans la cour on chargeait les vivres, on se livrait dans les appartements à une destruction systématique. Plusieurs hommes démolissaient le bureau du maître à coups de hache. Kostak était de la partie. Pudoritza et quelques autres femmes accomplissaient la même besogne dans les chambres de Madame la Boyardesse. Je m'y trouvais juste à ce moment où elle se ruait sur le salon. Ici, étonnement. Stan, seul, horrible à voir, frappait à grands coups de hache et à deux mains dans un piano qui n'était plus qu'un tas de ferraille et de bois. Nous l'entourâmes un peu effrayés de son acharnement. Tutoritza lui dit « Autrefois, je souhaitais te voir morte. Maintenant, je veux t'embrasser. » Et elle voulut l'embrasser, mais l'autre, sans l'entendre, continuait à frapper des coups inutiles. Après chaque haan, ses lèvres balbutiaient quelque chose d'incompréhensible et ses cheveux lui couvraient le visage. Elle transpirait fort. Je pris peur et m'en allai voir ce qui se passait dans les autres parties du bâtiment. Je tombai sur un groupe de gamins et de fillettes qui, brèche-dents en tête, dévalisaient une grande chambre pleine de jouets. Tous les jouets de la terre. Ils s'en remplissaient les bras, oursons, chevaux, poupées avec leurs meubles, locomotives avec rails et wagons, boîtes de soldats de plomb, voiturettes, barques à voile et quantités d'autres choses. Pendant que je bavardais avec eux, Stan passa en trombe, vrai harpie, échevelé, ballottant son gros ventre. Quelqu'un cria « Méfiez-vous, elle est folle !» Nous nous réfugiâmes sur la galerie balcon, d'où nous vîmes les beaux attelages du boyard prendre le chemin du village. Une dizaine de chars, des bœufs blancs comme le lait, avec de vastes cornes. On avait chargé de tout, sacs pleins de malaï, de farine, du porc salé, des jambons, des saucisses, des volailles. Un char, rien que de vin en bouteille, ainsi qu'un baril d'eau de vie. On avait même pris du bois à brûler. Assise sur le bord du char, de tête et cahotant les unes contre les autres, des femmes pleuraient sur les cadavres de leurs hommes. Nous étions à regarder ce départ quand une détonation ébranle tout le konak, brisant les vitres. Un gros nuage, noir comme du goudron, remplit la cour. Puis les flammes enveloppèrent les dépendances où se trouvait le dépôt de benzine. Nous décampâmes à toutes jambes, oubliant jouets et tout. En traversant la cour, j'aperçus Pudoritza, qui, le dos appuyé contre la muraille, aveuglé, étourdi, criait sans arrêt aux paysans pris de panique « Lâchez les chevaux et les vaches, ouvrez le poulailler !» Il était midi quand nous arrivâmes au village, où le fouillis, les pleurs, les cris, le va-et-vient donnaient une idée de ce qu'avait dû être l'affolement de nos villageois au temps des Bejenar, fuyant les Turcs. Au spectacle du konak en flammes, immense embrasement qui faisait se dresser les cheveux. Les paysannes couraient en se frappant la tête. « Ils nous tueront, ils nous massacreront tous, comme des chiens. » Monsieur Christ en jugeait de même. « Oui, nous serons massacrés. Surtout qu'il ne s'agit plus à l'heure actuelle des fermes de juifs, mais de 10 départements en révolte. Comme il n'y a qu'un konak juif sur 100 qui flambe, l'armée s'est mise en route. Ce sont les nouvelles d'aujourd'hui, mes amis. Et elles donnent à réfléchir. Les boyards sont impitoyables. » Ils le furent. Un crépuscule jaunâtre, lumineux, descendait doucement sur le konak en ruine, encore fumant et sombre, comme la vengeance qui était en l'air. On voyait les silhouettes noires du bétail échapper à l'incendie, et errant sur la crête de la colline. Dans le village, on mangeait, on buvait, on parlait au milieu de la place, parmi les bœufs dételés et les chars non encore déchargés. Le peuple et les familles des paysans aisés avaient fui, emportant le nécessaire dans leur voiture. Cela donnait aussi à réfléchir. Mais, les succulentes victuailles aidant, les pleurs se turent, et on parla bientôt du partage des terres. Dans l'obscurité qui faisait éclater les voix, j'entendis un koyan crier « Les champs de mon grand-père s'étendaient du côté de Giorgio. »« Ah, tu vises les meilleures terres !» lui répondit-on. De temps à autre, une lamentation venait de loin. une épouse ou une mère pleurait en veillant son mort. Ah, oh Léo, Georgie, Georgie, comme ils t'ont tué. Quelqu'un dit, on n'a plus revu Stan. C'est sûrement elle qui a mis le feu à la masine. Pauvre femme. Soudain, une fusée gicla dans la nuit. Un coup de canon retentit sur la colline et un obus tomba sur les chars. Ainsi commença le bombardement de trois hameaux, prouvant aux paysans qu'il n'est pas permis à tout le monde de se gaver. RTF France 3 National vient de vous présenter en nouvelle diffusion Anthologie étrangère. Aujourd'hui, Panaïti Strati par Georges Ribemont de Seigne, avec Françoise Fechter, Roland Bourdin et Jean-Roger Caussimon. Assistante Denise Simonski, réalisation Georges Gravier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 27 septembre 1961. Elle est à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des Nuits de France Culture. Suffering.